toujours la même angoisse. Ça passe ou ça casse. Tous les deux ans le même stress. Va falloir serrer les fesses. Tous les deux ans la même galère. Faut vérifier les feux arrière. Je crois que j'ai pété une durite. Je perds du blé et ça m'irrite. Je vais devoir taxer ma sœur pour changer les amortisseurs. Bonjour papa, bonjour maman. Un bras de monnaie pour mes cardans. Bonjour papy, bonjour mamie. Donner argent pour les bougies. Pourquoi la Porsche, elle est passée. Et ma Saxo est recalée. Contrôle technique. Technique contrôle. Changer les quatre phares, ne pas toucher la lune cigare. J'en ai besoin pour mes pétards. Je les trouve un petit poil sadique. Ils m'ont pris pour une pompe à fric. Moi je veux faire de la musique. Je déteste le contrôle technique. Tant pis pour les lunettes du gamin. On va plutôt changer les freins. Dans la vie faut faire des choix. Donc allons-y pour la couloir. Les lunettes du gamin, on va plutôt changer les freins. Dans la vie faut faire des choix, donc allons-y pour la courroie. Dans mon slip je vais faire des traces. S'il faut changer le joint de culasse, ça fait mal à la zigounette. Quand faut changer toutes les paquettes, c'est pas facile en temps de crise. Quand faut sortir la carte grise, ça fait trop cher les quatre pneus. Ça fait chauffer la carte bleue. J'espère que mon gosse attrape la rage. Plutôt que de changer l'embrayage. Donnez-moi cette putain de vignette. Je vous dépasse de quelques boulettes. Contrôle technique, ça sent la guerre. Mon filtre à air est en galère. Contrôle technique, je me sens mal. Encore plus mal qu'à l'hôpital. Contrôle technique, c'est un enfer. Ils m'ont tous pris pour Rockefeller.